Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Bonsoir et bienvenue dans Rien à voir quoique sur le 94 FM à Toulouse ou en streaming où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale en plateau et en public dans un lieu hors norme, l'Hôtel Dieu Saint-Jacques, pour un festival tout aussi hors norme, le Wide Festival, qui vient juste de commencer pour se terminer lundi de Pâques le 22 avril et qui vous propose un voyage musical, artistique, pluridisciplinaire, immersif, atypique et collaboratif. Une merveilleuse équipe est à mes côtés tout au long de l'émission. Lisa, de l'émission Du Pain sur la Tranche, Hugo Dagneau, Jean Docarmo et Marie-Lys Casier, ainsi que François Berchenko à la réalisation technique de l'émission. Un grand merci. On est ensemble pendant une heure et demie dans Rien à voir quoique, émission spéciale, le Wild Festival. Au programme du Wild Festival, ce sont trois soirées à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques où nous sommes, samedi et dimanche de 21h aux premières lueurs du jour jusqu'à 5h du matin. Une déclinaison dans trois salles de ce lieu chargé d'histoire avec des expositions, de la danse, des ateliers de découverte, un espace chill out et un traiteur avec des produits issus d'une agriculture équitable et locale et bien sûr des concerts, beaucoup de concerts. Pour le Festival Off, rendez-vous samedi, dimanche et lundi de Pâques de 12h à 19h. Ça, c'est au port de l'embouchure, au pont Jumeau. C'est en plein air et c'est gratuit. NTDT est notre premier invité ce soir. Et Hugo, c'est à toi, je te laisse la parole. Eh ben oui, justement, bonsoir Anna. On commence justement l'émission avec l'artiste qui justement aussi lance les hostilités du festival, parce que c'est lui qui démarrait donc hier soir à l'Hôtel Dieu. C'est à ce moment-là donc on l'a rencontré juste avant son set. Et sinon vous pouvez l'écouter aussi aujourd'hui, donc toute la journée jusqu'à 15h au port de l'embouchure. Donc on est en plein dans l'actu, mais en même temps il est avec vous sur Campus FM. Donc bonsoir NTDT. Bonjour. Bonsoir. Alors NTDT, c'est Nayor The Discus Thrower. C'est ça. Alors Nayor, c'est ton prénom, le lanceur de disques, c'est ça? Exactement. Alors tu viens de Marseille? Exactement. Alors et tu as signé sur le label Wild Records, donc le label toulousain Wild Records. Alors la première question, c'est comment tu as été amené à rencontrer une équipe toulousaine pour ta prod? Alors en fait, j'ai connu cette équipe Wild Records à l'époque où ils avaient créé leur premier label qui s'appelait Teen Masters. J'avais un pote en commun, en fait, un ami qui s'appelle Clément, qu'on s'est connu en études, en fait, sur Marseille. Et il m'a présenté, en fait, à son groupe de potes qui créait ce label-là, Teen Masters. Et du fil en aiguille, le courant est bien passé, ils aimaient bien le son que je faisais. Du coup, on s'est lancé dans cette aventure-là. Et bon, ben voilà, ça fait qu'aujourd'hui, je suis là pour le Festival Wild. Alors le son que tu fais, c'est depuis à peu près 2012 hein, qu'on peut suivre ton parcours, c'est sur ça. Internet notamment. Voilà. Alors au début, c'est des mix vraiment soul, électro, funk, c'est et ça. Ça évolue vite vers de la house. Vraiment, aujourd'hui, on est sur de la house, ouais, très disco. Avec ces influences-là, toujours funk, voilà, soul. Voilà, très marqué, bah, ouais, justement par les origines de soulful de la house. Un côté très French Touch aussi. C'est ça. Et alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de tes premiers DJ sets à tes productions? Parce que maintenant, tu produis ta musique. Alors, j'ai commencé d'abord par produire avant de me mettre à mixer. La production, c'est vraiment une passion que j'ai connue quand j'étais au collège à peu près. J'ai commencé par faire à l'époque, j'étais fan de rap, donc j'ai commencé par faire mes productions de rap. Je rappais aussi, donc j'ai fait 2-3 morceaux qui sont restés dans les placards aujourd'hui, qui sont introuvables. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai vu 2-3 lives, j'ai eu vraiment le déclic en allant voir les Daft Punk à Bercy. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire je vais me mettre à l'électro. Et j'ai fait quand même pas mal de titres avant que ce soit vraiment, entre guillemets, professionnel. Et après voilà, ça a évolué comme ça. J'ai commencé un petit peu à mêler un peu toutes les influences que j'ai via les musiques que j'écoute, les vieux morceaux, machin. Et du coup. Alors c'est drôle parce que tu parles de t'es passé du hip-hop à la house. Alors c'est un chemin assez classique pour beaucoup de musiciens finalement. Et il y a en ce moment sur Arte, il y a un documentaire sur le hip-hop et justement c'est un compatriote à toi de Marseille, c'est Akhenaton qui dit dans les années 90 en parlant du rap si on veut pas écouter de la variété ou de la house, voilà, il faut faire du rap. Alors, comme si c'était complètement séparé, c'est de la musique. Toi, est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu du lien que tu fais entre ces Moi, je trouve pas que ce soit forcément séparé parce qu'en fait le rap que j'aime, en tout cas le rap des années 90, est basé sur des productions qui sont samplées de morceaux des années 70. Et du coup, dans la house, enfin dans les gros morceaux house, enfin les morceaux les plus connus de house music, c'est à peu près les mêmes morceaux en fait de la même époque qui sont samplés, donc on retrouve cette même touche, ce même groove, et c'est ça en fait qui a fait que je suis passé de la house, enfin du rap à de la house. C'est les mêmes influences. Et la French Touch justement a cette particularité, c'est le style de house à la française, on va dire, qui justement initié par Daft Punk, qui redonne vachement ce côté funk à la house. Toi t'es vraiment dans cette tradition, et justement on a beaucoup écouté ce que tes morceaux, t'as sorti un EP qui s'appelle Chain of Fools, donc sur le label Wild Records. Et justement, je voulais savoir comment tu travailles, parce que aujourd'hui justement le sample est un peu délaissé par le rap avec l'arrivée de la trap ou des influences plus électro. Est-ce que toi ta musique c'est du sample? C'est complètement du sample et c'est complètement assumé. C'est-à-dire que je pars en fait de j'écoute un maximum de morceaux, donc principalement des très vieux morceaux. Des morceaux de cette époque-là, des années 70-80. Et donc j'essaie de trouver un petit peu des samples, des passages qui sont intéressants, que je vais prendre, exploiter, faire tout un travail dessus, et ensuite voir si j'ai des potes musiciens du label qui peuvent me rajouter derrière des solos de guitare, des solos de piano. Voilà. Donc je travaille beaucoup avec Lester, par exemple, qui est sur le label également, et qui est un des meilleurs guitaristes que je connaisse, et qui me fait à chaque fois, dès que j'ai besoin, des solos de guitare exceptionnels. Alors ouais, justement, la guitare très présente sur ton dernier EP, très propre. On se demandait si c'était un logiciel de post-prod est-ce que c'est vraiment un guitariste. Je fais appel à des artistes pour enrichir le morceau. En fait. Saxophone aussi. Saxophone, j'essaie des fois de trouver des samples, des fois de trouver des passages d'impro sur des morceaux de jazz, par exemple, qui colle, que je retravaille, je prends des petits bouts, j'essaie de recréer un solo avec ma touche en fait. Et pour le chant, alors comme tu donnes un peu ce côté très très soulful, il y a toujours beaucoup de voix soul sur tes morceaux. Ça, c'est du sample aussi. Ouais, les voix en règle générale, je les trouve un petit peu pareil. Je fouille sur internet, j'arrive à trouver un peu des a cappella qui sont pas trop exploités. Et en fait, j'essaie de faire en sorte que le morceau que je sorte soit un morceau à part entière, que les gens écoutent ça et se disent, enfin, voient ça comme un morceau et non pas comme un remix. Alors après, le travail que t'as, alors ça pour ta musique, tu travailles seul. Après avec le label, est-ce que tu travailles, parce que le label Wild Records travaille beaucoup sur l'image qui donne aux artistes, sur le côté vidéo, sur le côté un peu on va dire, cohérence artistique, tout ce qui est l'image. C'est eux qui travaillent avec toi, cette image? Alors, moi, je travaille aussi dans l'image, dans la vidéo. Je fais un petit peu de vidéo aussi à côté. Donc, j'essaie, dès que je fais un peu des lives, de récupérer les images et de me faire un petit peu des mini-vidéos, des résumés un peu des soirées que je fais. Et comme je suis un peu sur la vidéo aussi, donc du coup, j'essaie de m'en occuper, quoi. Vous faites un peu tout le travail, tous ensemble? Voilà. Et tu viens sur Toulouse pour travailler ou t'es... Non, je travaille chez moi. Je travaille de chez moi sur Marseille. Et par contre, c'est toujours un plaisir de venir à Toulouse. Et la scène de musique électronique à Marseille, c'est actif, Ouais, c'est bien actif. Ça commence un petit peu là à bien prendre. Il y a une bonne visibilité. Je trouve que ça prend. Il y a de plus en plus de soirées qui sont dans des lieux, dans des super lieux très jolis. Et c'était pas très bien exploité il y a 5-10 ans de ça. Il y avait pas énormément de soirées, c'était toujours dans les mêmes spots. Et là, ça commence un petit peu à exploiter les lieux qui étaient jusqu'à présent inexploités, quoi. Bah, comme ici, par exemple, ce week-end à Toulouse. Voilà. À l'Hôtel Dieu, dans le cadre du Wild Festival. Bon, à Marseille, on n'a pas encore de soirées dans des lieux comme ça. Non. Ça, c'est vraiment exceptionnel, ce soir-là. Ouais. Bah oui, le quand lieu même. Franchement, on invite d'ailleurs les auditeurs à venir faire un tour. Non, mais quand même, pour terminer, juste peut-être un petit peu sur tes actus de disques. Donc, tu as sorti 3 EP, California et Black Like My Soul, donc une référence à tes influences musicales en 2017. Et donc là, Chain of Fool en 2018. C'est ça. Donc, c'est des 3 titres à chaque fois. C'est des 3 titres. Ouais. Alors, ça sort qu'en numérique, ça sort en vinyle, ça comment sort, non, pour l'instant, ça sort qu'en numérique sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, iTunes. Je suis présent à un petit peu de partout, et là je travaille aussi actuellement sur, alors ça prend un petit peu plus de temps parce que j'essaie justement de ne pas utiliser de voix qui existe déjà et de collaborer avec une chanteuse, donc c'est un peu plus long, j'ai les prods qui sont prêtes, mais pour trouver une chanteuse c'est un peu, je suis assez perfectionniste, donc j'essaie de trouver vraiment la bonne voix qu'il me faut, et mais je travaille dessus et je pense que ça devrait arriver là courant de fin d'année, j'espère. Non, je voulais juste faire intervenir Léo qui vient de nous rejoindre en plateau avant que Lisa l'interview. Tu acquiesçais de la tête. Comment t'as travaillé spécifiquement avec NTDT? C'est-à-dire sur le plan sur le label. Sur le label. Ouais. Et ben comme disait Nico, lui, il a une partie vidéo. Enfin, il s'en occupe beaucoup tout seul. Après, nous, dès qu'on fait des lives et qu'on peut l'inviter, et ben c'est ce qu'on fait. On l'invite sur nos événements ou sur d'autres événements avec lesquels on travaille. Et quand c'est le cas, on essaye de lui faire le maximum de promos possible. Donc que ce soit des stories, des petites vidéos, on fait au mieux. Et on va faire au mieux encore. Tout ouais, j'en doute pas. Et sinon, pour les gens qui voudraient venir t'écouter en live, là ce soir c'est DJ set, demain c'est DJ set aussi, donc au port de l'embouchure. C'est ça. Ouais. Tu réalises aussi des lives? Alors des lives, j'aimerais bien, mais j'attends d'avoir un petit peu plus de popularité. Il entre guillemets. Se remettre au rap. Non, le rap, le rap, c'est fini. Non, quand même, il y a encore quelques edits là. Il y a un edit qui tourne sur SoundCloud, en tout cas de Tupac et Youssoupha. Ouais, ouais, c'est un truc que j'avais fait il y a très longtemps. J'avais aussi fait un remix de Mobb Deep. Il y a 3-4 ans, que j'avais sorti sur Tin Masters, mais qui a été supprimé parce que c'était pas le droit d'auteur. Voilà, exactement. Et du coup, non, en termes de live, j'attends d'être. J'ai très envie de faire du live. Mais ça prend un petit peu plus de temps à préparer et j'attends d'avoir un petit peu plus de monde en fait qui pour leur proposer ça, quoi. D'ailleurs, à propos de droits d'auteur, parce que tu viens de dire que tu avais eu des problèmes pour des questions de droits d'auteur, le sampling, ça reste toujours compliqué? Alors, ouais, moi j'essaie de jouer un petit peu sur j'essaie de. C'est très compliqué, ouais, le sampling là, surtout depuis quelques années justement. Ouais, non, mais moi je trouve justement que c'est un peu plus aujourd'hui tout le monde prend les voix comme je fais en fait en gros tous les morceaux avec les voix c'est normalement c'est censé être considéré comme des remixes sauf qu'il y a énormément d'artistes qui font des morceaux qui posent des voix dessus et qui les sortent en tant que morceaux propres quoi, pas en tant que remix. Donc il y a un flou en ce moment qui se passe là-dessus. Il y a énormément de plateformes qui proposent de gérer les remixes etc. Donc je pense qu'il y a c'est en train de bouger, quoi. Ouais, c'est en train de bouger, ouais. Alors, t'avais appelé ton premier EP California. Il y a eu donc cette édite de Tupac. Donc, il y a quand même un petit côté avec des et ça colle un peu avec ta musique, ces influences un peu West Coast. Ah, exactement. Moi, même sur la musique dont je parlais tout à l'heure, la musique des années, tout ce qui est pop rock des années 70, c'est essentiellement des influences californiennes. En fait, ça va. Par exemple, je sais pas, c'est du Doobie Brothers, du Christopher Cross, tout ça, c'est vraiment toute la vibe californienne, tous les instruments, enfin tout ça, c'est vraiment ce qui me sensibilise, quoi. Et justement, les producteurs de musique hip-hop aux États-Unis sur la côte ouest, pour éviter de payer les droits de samples, font rejouer les boucles par des musiciens. T'en es pas encore là. Non, mais par contre, c'est vrai que sur des morceaux, j'essaie de. Quand je prends un sample par exemple et que c'est vraiment ou qu'il y a une partie ou un instrument sur le sample que je prends qui m'intéresse, j'essaie de voir si moi je peux pas le refaire ou le refaire jouer par un artiste, m'inspirer, modifier, remettre à ma sauce le sample, modifier, voilà. Alors, des dates à venir cet été pour les gens qui seront sur la route des festivals? Alors, pas de date de prévu. En général, moi, quand j'ai des dates, c'est pas du jour au lendemain, mais ça se fait vraiment dans la précipitation. Donc, il faut rester un petit peu à l'actu sur Facebook ou Instagram. Je communique là-dessus, mais bon, voilà. Alors, c'est Nayor the Discus Thrower, NTDT, NTDT. Alors, c'est facile, hein, à chercher. NTDT. SoundCloud, Spotify, Facebook, YouTube. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin pour suivre NTDT. Donc, qu'on va écouter tout de suite. D'ailleurs, tu peux peut-être lancer le morceau, le premier morceau de l'émission. C'est un morceau qui est issu donc de ton dernier EP. C'est Oh, I Want You. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce morceau? Alors, c'est... je suis pas très fort pour me vendre, mais qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est un morceau... Il marche très très bien, on va dire. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi c'est un des préférés personnellement. Bon, c'est un morceau qui bouge bien, qui vous met le smile. C'est pour ça. Mais comme toute ta musique quand même, voilà. Ta musique, oui. Ça donne envie de filer en décapotable. Il y a quelques morceaux, c'est quand même majoritairement mélancolique. Là, ça colle à l'été, si vous êtes sur la plage en train de boire des verres, c'est idéal. Peut-être le son de l'été. Merci Hugo, merci NTD. Merci à vous. On écoute How I Want You. We'll be right back. êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. C'était donc un morceau... Pardon François, c'était un morceau de NTDT. NTDT, how do you say NTDT? Dans Rien à voir quoique sur Campus FM, on est au cœur du Wild Festival et Lisa nous a rejoint pour poser quelques questions à Léo, ouais. Et organisateur Léo. Du et festival. Salut. Et Ben n'est pas là. Et Ben n'est pas là, il va peut-être arriver, on va voir s'il n'a pas un truc à gérer à côté. Donc salut Léo, cofondateur du festival Wild, ouais. Festival, première édition à l'hôtel Dieu Saint-Jacques. Pourquoi un lieu aussi emblématique que celui-ci, qui a un côté un petit peu patrimoine 12e siècle, pour accueillir des musiques électroniques? Alors déjà parce qu'il y a ce décalage qui est créé, comme tu l'as directement dit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de proposer une soirée électronique lambda dans un lieu qui s'y prête, mais plutôt de mettre en valeur un lieu historique, enfin la musique électronique dans un lieu qui, enfin, disons que les codes sont un peu cassés. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est assez atypique, c'est une première. Nous, on aime bien aussi ces idées de concept pour sortir un peu de la soirée pas lambda mais classique, on va dire, qu'on a l'habitude de vivre. Là, le but, c'est vraiment de proposer quelque chose de nouveau. Et comment vous avez fait pour obtenir un lieu aussi emblématique que celui-ci pour une première édition de festival? Et alors, c'est une année de négociation pour y arriver. C'est avant tout un projet solide. Donc ça fait quand même un bon moment qu'on travaille sur ce festival. On n'avait pas forcément ce lieu-là en tête au tout début. On a cherché un peu tous les lieux un peu atypiques, historiques, un peu décalés de Toulouse ou de ses alentours. Et à force de chercher, on est tombé sur celui-là. Qu'on connaît tous, enfin tous les Toulousains le connaissent au moins de l'extérieur, mais c'est vrai que de l'intérieur, quand je suis rentré, j'ai halluciné. Donc on est rentré, on a halluciné, on a trop obtenu des rendez-vous, on a discuté, on a négocié, on a présenté des dossiers béton à force parce qu'il fallait vraiment pas se rater. Et puis on a réussi à avoir l'autorisation, j'ai envie de dire exceptionnelle, de pouvoir faire cet événement dans ce lieu. Et okay. Là on y est, donc c'est que ça a plutôt bien marché. Il y a eu aucune contrainte particulière. C'est un lieu qui possède beaucoup de contraintes. Enfin, pour des notamment pour les installations, parce qu'il y a des expositions, des installations sonores, électroniques, etc. Disons que c'est un lieu qui est souvent loué à des fins de gala ou de mariage ou de repas ou même d'exposition. Mais nous, là où ça nous pose vraiment pas mal de problèmes, c'est qu'on amène de la musique électronique, beaucoup d'éclairage, tout ça, et le lieu est vraiment vide. Il y a trois grandes salles qui sont pas du tout équipées, sans sonorisation ou quoi. Donc rien que ces contraintes-là, c'est beaucoup de budget, de ramener tout ça, de ramener tout ce qu'il faut pour insonoriser, pour éclairer. Il n'y a pas Internet, ce qui fait que y a pas Internet. Pas en direct, par exemple. Voilà, par exemple. Vu la taille des murs, en même temps, ça aurait été compliqué. Et pour notre retransmission en direct live, c'est pareil, c'est beaucoup, beaucoup de préparation pour réussir à ramener un réseau nécessaire. Enfin, je pourrais en parler pendant un petit moment des contraintes. Mais... Tout à l'heure, Léo, on voyait avec la sécurité, tu avais l'air de faire un inventaire des œuvres, des tableaux. L'état des lieux. C'était l'état des lieux. Comme dans un appartement, sauf que là, c'est avec toutes les œuvres qui sont accrochées, les sols classés, tout ça. Avant de partir avec un des immenses tableaux, va falloir du boulot. Oui. Je reviens un petit peu sur le festival en lui-même. Il y a un côté très interdisciplinaire avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des expositions, de la musique, etc. Comment vous avez pensé ce côté de interdisciplinarité artistique? Parce que c'est décliné en trois salles. Ouais, c'est plus ou moins décliné et puis un petit peu mélangé aussi. Mais ça, c'est... voilà. Comme je t'en parlais au début, c'est dans l'idée de sortir un peu de la soirée classique, c'est-à-dire on va dans une salle de concert faite pour ça, on va danser et on s'en va. Enfin ça on aime bien aussi, y a pas de problème, mais là on voulait vraiment proposer quelque chose qui mélange plusieurs types d'art, parce qu'on n'est pas, enfin on est des passionnés de musique mais pas que, et en rapport avec le lieu, on trouvait ça vraiment cohérent de proposer donc la musique électronique qui est un peu notre cœur de métier, mélangée à des expositions. Donc sur cette édition, on travaille avec les Beaux-Arts de Toulouse, qui nous voilà. Donc on a plein d'étudiants et jeunes diplômés qui viennent exposer leurs travaux, et on propose aussi des ateliers. Donc ouais. Oui, on retrouvera tout à l'heure Mike pour Do It Yourself qui nous proposera un petit atelier de création de contrôleurs MIDI électroniques. Et pas que. Mais voilà, donc c'est vraiment dans cette idée de concept et de soirée atypique. Qu'on propose, on essaye de proposer une expérience immersive et pas simplement musicale. Et avant le festival, avant le Wild Festival, il y a une chaîne YouTube qui a donné naissance à un label. Puis à un autre label. Puis à un autre label. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une brève histoire des prémices du Wild Records et du Wild Festival? Alors, tout commence en 2013 avec la création de Chill Masters par Clément et Loïc, donc deux de mes collègues. Loïc est un ancien collègue vu qu'il a... Il a changé de voix à ce jour, qui sont rejoints par Jules un peu plus tard. Et moi, j'arrive il y a trois ou quatre ans, je sais plus à peu près. Je les ai rejoints. Donc à la base, c'était une chaîne YouTube qui a plus ou moins explosé. Donc promotion musicale uniquement. 600 000 abonnés, plus de 600 000 abonnés maintenant. C'est ça. De là, donc ils se sont mis. J'ai rejoint ensuite le coche pour en faisant un peu d'événementiel, donc des premiers petits festivals, des petits événements en rapport avec les sports de glisse, tout ça. Ensuite est né le label, donc Chill Masters Records, qui a vécu et qui continue encore aujourd'hui, qui a donc 2 ans. Et là, par des envies de direction artistique un peu différentes, on a créé une nouvelle branche indépendante, donc Wild Records. Et étant donné que Jules et moi-même, on est vraiment passionnés, on va dire, d'événementiel, on s'est dit que c'était le bon moment pour s'y replonger vraiment à fond et organiser un festival, donc un événement, on va dire, assez gros, pour lancer le label, tout en relançant un peu notre branche événementielle. Et Chill Masters et Wild Records ne sont pas du tout sur la même branche musicale. Alors ça peut se retrouver étant donné que c'est de la diffusion électronique dans les deux cas, mais la musique électronique c'est très très large et nous on s'est vraiment recentré sur quelque chose de dansant, donc que ce soit house, techno, expérimental, c'est toujours assez dansant, donc assez... Ouais voilà, dansant, j'ai pas d'autres mots. Et Chill Masters ça repart un peu dans le délire de base, donc chill, donc des choses un peu plus posées, du hip-hop, du lo-fi... de l'électronique vraiment tranquille quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, ton cœur de métier c'est surtout la musique, mais dans le festival que tu proposes avec Jules, il y a de la danse, il y a des expositions, tout ça. Comment vous avez fait pour sélectionner les artistes qu'on peut voir ce soir? Alors on n'a pas essayé de faire ça nous-mêmes, même si on aurait bien aimé. On n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas les codes, mais c'est qu'on n'avait pas forcément le temps ni enfin, on a préféré faire confiance en fait à quelqu'un. Vous avez délégué. On a délégué, mais c'était pas à la base. C'est pas par souci de temps. C'est vraiment moi. Par souci voilà, de qualité. C'est ça. De peur de pas être assez. On a pas force de parler avec certaines personnes des Beaux-Arts ou même de notre entourage. Et il y en avait qui sont vraiment dans ce milieu-là que ça intéressait. Donc on en a parlé et puis au final on a trouvé un responsable qui s'appelle donc Nikita Sio, qui est étudiant aux Beaux-Arts de Toulouse et qui s'est occupé depuis plusieurs mois et aujourd'hui encore de sélectionner, de faire passer des plateaux en fin d'émission. Ouais, super, de faire passer des sortes d'auditions, de checker les travaux, de nous en parler, de sélectionner surtout et puis ensuite de préparer toute la mise en place dans les deux salles parce qu'on retrouve des expos dans la salle des colonnes et dans la salle des pèlerins. Et voilà. Donc c'est lui qui fait un peu tout le travail de chef d'orchestre des expositions. Et pour les artistes musicaux, c'est Wild Records qui a sélectionné? C'est Jules et moi. Qu'avons fait toute la programmation musicale. Parce que vous, votre label, il fonctionne au coup de cœur. Ouais, qu'est-ce que c'est que fonctionner au coup de cœur? C'est assez subjectif, au final. Bah, c'est un peu la base du festival. Ça montre qu'on veut pas travailler par, dans un souci de, enfin, disons, on n'est pas des businessmen, on est vraiment des passionnés. Donc, on préfère des fois sortir de la musique quitte à perdre des sous, plutôt que de sortir un projet qui certes va nous faire gagner peut-être plein d'argent, mais qui nous plaît pas. Ça, on le fera jamais. Et le festival, c'est pareil. On le fait vraiment pas pour l'argent, mais disons qu'on essaye de mettre en place tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie de proposer. Et on se limite vraiment et on veut pas se forcer, en fait. Mais tous les artistes présents ce soir, ils émanent pas forcément du Wild Records. Non, non, parce que le label, déjà, on a très peu d'artistes, vu qu'on essaye de partir dans un délire un peu familial. Donc, et vu qu'on est que deux et qu'on s'occupe du développement de leur projet, on peut pas en avoir 10, sinon ça va, enfin, on va faire un peu n'importe quoi. Par contre, vu la taille de l'événement et aussi notre envie de partager à la fois des artistes donc locaux toulousains, nationaux, du label, enfin vraiment des artistes, des petits artistes, mais aussi des gros, enfin de la scène on va dire internationale, qui sont français, on a des anglais, espagnols, on a un peu de tous les pays, et ça nous tient aussi à cœur de partager ces artistes-là parce que c'est eux qui représentent le plus on va dire la culture que nous on aime. Oui, que vous promeuvez. C'est ça. Qui va enflammer en tout cas ce soir l'hôtel Dieu Saint-Jacques. Et côté off, on retrouvera, parce que vous êtes installé aussi pour le off, la au journée, port ouais. de l'embouchure, donc ça sera samedi et dimanche. Et lundi. Et lundi. Lundi de Pâques. si j'ai pas de bêtises, et on retrouvera entre autres le londonien Tom Jay, ouais, et le trio de musique électronique Yuma Guma. Ouais. Comment ça se passe s'il y a des problèmes avec le temps? Et bien, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. D'accord, ça sera annulé. Donc s'il y a trop de rafales de vent, on supprime, quoi. Voilà. C'est... Non, ce sera pas annulé. Oui. Il y aura du beau temps. Il y aura du beau temps, c'est ce que je voulais dire. Okay. Ah d'accord, il y aura pas de mauvais temps. Et au pire temps. Des cas, okay, le vent apportera la musique encore plus loin. Ok. Pour finir sur une belle phrase. D'accord. Ben, merci Ben. Léo. Léo, pardon. Mais c'est pareil. Pas de souci. Merci à toi. Merci beaucoup Léo, merci. Merci Lisa. On va écouter un morceau que j'aime bien, du duo Kawaz, qui est sur le label Wild Records, qui joue en live samedi, ici même à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques. Le morceau s'appelle Polaris, sorti donc sur leur premier EP éponyme chez Wild Records. Au cœur du Wild Festival et on vient d'écouter Polaris par le duo Carrice, un EP de Wild Records. Carrice est en live samedi pour le Wild Festival. Sol, la, fa, sol, si, la, sol. Tiens, c'est un son mineur. On parle de toutes les cultures, de rien à voir quoi que. Sol, la, fa, sol, la, mi, sol, fa, mi, fa, do, fa. Sur Campus FM, 94 FM. Lisa, je te laisse de nouveau la parole avec ton nouvel invité sur le plateau de Rien à voir quoique. Eh bien, merci Anna. Salut Mike Slecky. Salut. Alors toi, tu gères ce soir, dans le cadre du festival Wild Festival, l'atelier qui s'appelle Do It Yourself, et tu apprends, entre autres, aux personnes qui sont venues te voir à créer ce qu'on appelle un contrôleur MIDI. Mais qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur MIDI ? Alors c'est une bonne question. Vous avez probablement dû voir des artistes sur scène avec des étranges machines lumineuses qui tripotent dans tous les sens de sorte à en faire sortir de la musique. Une petite boîte rectangulaire. Exactement, mais généralement ce genre de dispositifs sont des contrôleurs MIDI. En fait, un contrôleur MIDI, ce n'est rien de plus qu'une télécommande qui sert à piloter un logiciel. Donc généralement, ces contrôleurs MIDI sont raccordés à des ordinateurs. Après, il existe des exceptions, et même historiquement parlant, c'est un vieux modèle, un vieux protocole, en fait, le MIDI. On le retrouve où, ce protocole, dans la musique ? Alors, on peut le retrouver à plein de niveaux. Souvent, on va parler de clavier MIDI. Vous avez probablement entendu parler de ces fameux claviers MIDI. En fait, ce n'est rien de plus que des claviers vides qui ne peuvent pas sortir du son, qui ne fournissent que l'information de la note et la puissance à laquelle la note a été appuyée. Et cette note, cette information doit être envoyée après à un dispositif qui est capable de fournir du son. Et en liant les deux, on pourra jouer de la musique. Et ça, ce contrôleur MIDI, au départ, il coûte quand même un petit bras, voire deux petits bras. Et toi, t'as appris à les fabriquer avec quasiment rien. Voilà, le problème, c'est qu'il existe très peu de leaders mondiaux sur le marché et qui proposent plein de contrôleurs MIDI, mais qui coûtent généralement un bras. Et je trouve ça intéressant d'apprendre à les créer soi-même. C'est ce que j'ai pu commencer à apprendre quand j'étais employé à Radio FMR. Mais comment, de quoi on a besoin pour faire un contrôleur MIDI ? Et pas de grand chose, on a besoin d'une petite carte de développement. Vous avez probablement dû entendre parler de ces cartes Arduino. Il y a plein de jeunes qui sont en train de se mettre dessus. C'est une carte qui est très facile de prendre en main. On peut trouver des kits sur Amazon à 25-35 euros, donc c'est abordable. Et ces cartes, quand elles sont raccordées à l'ordinateur, peuvent être programmées dans un langage de programmation. Alors, j'en vois certains fuir déjà à mille lieues, mais rassurez-vous. On les entend. Rien de bien compliqué. Rien à voir avec cette programmation infâme qu'on pourrait s'imaginer, des milliers de lignes de code. Enfin, rassurez-vous, c'est un langage édulcoré, c'est un C++ qu'on code, mais on va dire que c'était du C++ light, un petit peu allégé, et qu'on peut utiliser plus facilement que ce qu'on aurait l'habitude d'utiliser en temps normal. Et tu fais alors toi les contrôleurs MIDI, ces petites boîtes magiques électroniques, tu les appelles tes bécanes. Oui. Et tu as créé des bécanes, je trouve assez créatives, dans lesquelles on peut insérer entre autres de l'alcool. Oui, mais je réponds à plein de demandes justement de ce qu'on ne peut pas trouver sur le marché. J'ai fait une MPC dont le coffrage peut être ouvert pour glisser quelques bouteilles de bière ou de whisky. Le format a été respecté. J'ai travaillé pour des musées aussi avec Salut C'est Cool, j'ai fait des dispositifs audio pour une galerie à Paris, j'ai fait une MPC pour Scarefinger, et là une machine pour Mézergue qui va jouer lundi dans le festival Wild. Et aux abattoirs aussi, t'as exposé une de tes super bécanes magiques. Tout à fait, on avait une petite démo, alors je ne saurais plus me rappeler du nom de l'événement, mais j'avais transformé une petite caisse de vin en machine à faire de la musique. Voilà. Et tous ces matériaux, tu les récupères auprès de qui ou auprès de quoi pour fabriquer tes bécanes créatives ? Parce qu'il y en a en bois, tu peux en fabriquer aussi en carton, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Alors j'aime beaucoup la récup parce que ça me permet de réduire le coût à fond. Donc j'ai pu sortir une MPC. Une MPC, c'est, vous avez probablement dû voir aussi ces petits dispositifs avec 4x4 boutons pour faire de la percussion avec. En faisant un coffrage en carton, j'ai réussi à m'en tirer pour 38 euros. Une MPC avec beaucoup plus de fonctionnalités que ce que nous propose les MPC de base à 100 euros aujourd'hui sur le marché. Et puis, s'il y a une pièce qui me lâche, en plus, je la remplace pour quelques centimes et je suis pas obligé de changer l'intégralité du dispositif. Après, il y a des fils à l'intérieur de ces boîtes-là. Tu les trouves où ? Tu les récupères comment ? Et alors, est-ce qu'il faut les souder ? Est-ce que souvent tu es obligé de les réparer ? Alors, quel matériel il faut pour utiliser tout ça ? Alors, quand je m'entraîne, quand je prototype, j'utilise ce que l'on appelle une breadboard. Et c'est une petite surface sur laquelle on peut brancher des éléments électroniques sans avoir à souder. Donc, c'est super pratique. Pas d'étain, pas de plomb, pas tout ça. Par contre, pour les machines, quand elles doivent être terminées, quand je fais des machines conséquentes, là par contre, je soude et je récupère du fil, soit du fil de récupération, parce que même un câble vidéo qui ne marche plus a des brins qui peuvent fonctionner, soit j'en achète directement sur Internet. Tu en as récupéré récemment avec ton frère des matériaux de fabrication, notamment du bois. Tout à fait. Alors lui se charge de la partie menuiserie pour les opérations délicates. Hein. Là, on était sur une harpe laser avec 16 notes et sur un dispositif un petit peu inédit, que je pourrais qualifier de tronçonneuse MIDI en quelque sorte. Et il m'a aidé pour toutes les parties bois. Et je compte énormément sur lui pour tout ce qui est conception. Quand je suis rentrée à l'intérieur de la salle des colonnes et que je t'ai vu en train de bidouiller ton contrôleur MIDI dont j'ignorais complètement le nom à ce moment-là, je me suis dit mais ce mec c'est un génie d'électronique et pourtant tu m'as avoué qu'au départ c'était pas forcément le cas. Eh bien, je suis vraiment pas un génie. J'apprends ce que je fais à des jeunes de 13 ans aujourd'hui et même plus jeunes. Hein. J'ai des jeunes qui vont jusqu'à 9 ans et qui arrivent à digérer très facilement ce que je fais. Donc c'est pas si compliqué que ça. C'est tout à fait accessible. Et la deuxième question, pardon. Non, il n'y a pas de deuxième question. Non. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour l'argent? L'argent. Ça coûte trop cher. Le non-argent, surtout. Exactement, la dèche. C'est exactement ça. Et j'aimais pas la techno quand j'étais jeune. Et au final, de me prendre au jeu, j'avais l'impression de faire des Lego et je me suis éclaté petit à petit, de fil en aiguille. J'ai fait des projets de plus en plus complexes et voilà. Et t'as commencé un petit peu à bidouiller l'électronique à FMR, si je dis pas de bêtises. Exactement. J'ai conçu mes premiers dispositifs chez FMR que je porte dans mon cœur depuis longtemps, hein, pour lequel j'ai bossé quelques années et fait beaucoup d'opérations. Tu es formateur en électronique et en programmation, tu l'as dit tout à l'heure, pour des enfants, mais aussi pour des adultes. Est-ce que l'apprentissage de ce genre de connaissances, c'est visible entre la différence entre un adulte et un enfant? L'enfant, il va comprendre directement, alors que l'adulte, il va avoir un blocage. La seule différence, c'est l'enthousiasme. Un jeune va avoir beaucoup plus d'enthousiasme à découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas, alors que quand on grandit, on s'aigrit. Et c'est bien dommage, parce que si on gardait ce même enthousiasme enfantin, et je peux le croiser chez des publics âgés, eh bien on apprend aussi vite qu'un jeune, en fait. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, vraiment. Et tous tes contrôleurs MIDI, ensuite, que tu peux fabriquer pour à peu près une quarantaine d'euros, tu les revends ensuite? Il m'arrive, tout à fait. Là, quand je bosse avec des artistes, ils viennent avec un dessin, une idée, un rêve, un délire, un trip. Et nous, on construit la machine de toutes pièces. Et là, effectivement, il y a rémunération. Et encore, je trouve que je prends pas beaucoup pour ce que je fais encore. Et tu construis avec ton frère? Voilà. Alors lui, je charge de toute la partie, comment dire, boîtier, bois, vraiment tout ce qui est menuiserie. Et moi, c'est la partie électronique. Après, je vais me charger des fois de la partie boîte. Lui va être sur tous les projets complexes, en fait. Et voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, tu étais en train de bidouiller pour l'atelier Do It Yourself. Tu voulais utiliser le contrôleur MIDI et pour ça, tu es allé dans le jardin de l'Hôtel Dieu Saint-Jacques. Et oui, parce que j'aime bien faire un petit peu de contrôleur capacitif, ce qu'on appelle les contrôleurs capacitifs. Qu'est-ce que c'est le contrôleur capacitif? Eh bien, c'est pouvoir faire des sons en touchant des légumes ou des fruits ou n'importe quoi qui contient de l'eau, en fait. Je raccorde juste un simple câble. Il n'y a pas besoin de faire une boucle. Juste en touchant un objet qui est connecté à ce câble, je peux le repérer dans mon circuit et du coup déclencher une note ou n'importe quel dispositif. C'est génial et on peut écouter là à l'intérieur du Wild Festival ce que t'as créé comme son à partir des branches, parce que ce sont des branches que t'as récupérées, des feuilles, t'as récupéré quoi d'autre? Fleurs, feuilles et branches, on y est, c'est ça. Le jardinier de l'Hôtel Dieu Saint-Jean va s'arracher les cheveux. Non, alors j'ai fait attention, hein, je suis pas allé sur les plantes qui me semblaient être tout fraîchement fleuries ou non, j'ai fait attention. En tout cas, si on veut écouter les résultats de ce super contrôleur capacitif. Tout à fait. On peut l'écouter durant le Wild Festival. Et je vous recommande de venir avant minuit parce que je suis plutôt couche-tôt et je vais pas faire long feu. Ok, voilà. On viendra écouter ça. Ça veut dire que vous faites une démonstration ou qu'on, c'est un atelier participatif? Alors, c'est un atelier et démonstratif parce qu'un dispositif tout fait est déjà en place. Donc les gens peuvent venir essayer un dispositif capacitif. Mais c'est un atelier do it yourself parce que j'ai amené énormément d'éléments électroniques en plus pour pouvoir construire n'importe quel contrôleur MIDI à la demande du public. Donc vous serez là les trois soirs? Tout à fait, et jusqu'à dimanche soir. Voilà. Et pas pendant le off? Et pas pendant le off lundi. Non, je me repose et je fais une grasse matinée et parce une soirée que c'est au lit. Férié. Exactement. Une dernière petite question, Mika. La commande la plus tordue qu'on t'ait demandé de faire avec ton frère, c'était quoi? Parce qu'à la rigueur, avec de l'alcool, bon, on se dit ok, tu vois, enfin, créer un espace pour mettre des bouteilles de bière ou des bouteilles de vin, ça va. Alors là, c'est pas une histoire de dispositif, je dirais. Alors peut-être que je m'égare, mais alors j'ai pas de demande particulièrement intrigante, si ce n'est la tronçonneuse MIDI, qui est un espèce de fil à tirer qui lance des sons. Par contre, en idée technologique un peu débile, je sais qu'on s'intéresse pas mal à la sécurité informatique avec mon frère. J'avais trouvé une faille sur un protocole d'impression qui me permettait, j'avais recensé 3000 imprimantes en France qui étaient vulnérables, et je voulais imprimer mon cul sur les 3000 imprimantes. Mais et mon frère m'a vivement déconseillé de ne pas faire ça. Et j'ai Parce écouté, qu'après on pourra analyser tes fesses. J'ai eu peur qu'on porte plainte et qu'on me demande de rembourser le prix de l'encre, en fait. En plus de tous les autres potentiels chefs d'inculpation qu'on pouvait Bah, t'aurais vendu des contrôleurs MIDI. Ben ouais, mais bon, si j'ai préféré jouer la carte de la prudence, j'ai écouté les bons conseils de ma famille. T'as bien fait. Voilà. C'est génial. Ben merci beaucoup, Mika Slicky, d'avoir été merci sur le plateau vous. De Rien à voir, quoique. Et on te retrouve tout au long du festival, sauf le lundi, puisque ce sera ta journée off. Et avant minuit. Merci beaucoup. Ce soir. Merci beaucoup à tous les deux. On écoute un morceau de Agents of Times. Le morceau s'appelle Lauten. Il est en live le 20 avril. C'est samedi. Rien à voir quoique sur Campus FM au cœur du Wild Festival à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques. On vient d'écouter un morceau de Agents of Time, pardon, Lauten. Il est en live samedi. Mais rien à voir quoique. www.campusfm.fr. Et le groupe Yuma Goubin nous a rejoint. Ils sont quatre. Quatre pour toi, Lisa. Quatre, rien qu'à moi, et tout au long de la soirée dans le Wild Festival, il y a Guillaume, salut Guillaume. Bonsoir. Il y a Lucas, salut Lucas. Bonsoir. Il y a Jean qui est juste à côté de Lucas. Bonsoir. Salut Jean, et enfin il y a Geoffroy. Salut Geoffroy. Alors dans les Yuma Guma, c'est un trio de musique électronique. Alors vous au départ vous êtes parisien et vous êtes pas du tout dans l'axe électro au départ. Vous provenez surtout d'une formation musicale assez rock, Lucas. Ouais, tout à fait. On a commencé quand on avait 16-17 ans à faire de la guitare, de la basse et un peu de batterie. Et ouais, on a découvert la musique comme ça, et puis après on a été amené petit à petit vers la musique électronique, qui est une musique en fait qui nous a toujours un peu entouré, mais qu'on n'avait pas forcément l'opportunité de vraiment essayer. Et c'est en vieillissant que tu découvres des instruments, tu commences à découvrir, en fait, parce que la musique électronique est très rattachée à l'instrument, et c'est un truc qu'il faut que tu travailles en amont, et donc il faut passer un peu de temps. Avant d'attaquer la musique électronique. Ça veut dire Geoffrey que Jo. Ça veut dire Jo. Geoffroy, je rappelle aux auditeurs. Que vous jouez ensemble depuis vos 17 ans tous les trois. Ouais, depuis un peu plus longtemps, 14-15 ans, on a commencé vraiment à se mettre dans le rock. Et après, on est pas de longue date, et ça fait 2 ans après qu'on fait ce projet, justement de jouer de la musique électronique ensemble avec nos vieux instruments de l'époque, quoi. Et Guillaume, le groupe, il a que 2 ans, et pourtant vous avez déjà sorti 8 vidéos sur votre chaîne YouTube. Bah ça, c'est l'avantage de jouer aussi dans des cadres assez spéciaux où on nous propose aussi beaucoup de captations vidéo, captations audio, et donc ça nous donne beaucoup de contenu qui nous permettent après aussi de communiquer là-dessus. Et voilà quoi, c'est le monde de la nuit. Jean, tu veux 2 ans, 2 EP. Est-ce que tu peux parler des EP? Il y a un premier EP qui a une couleur assez particulière et un deuxième là qui va pas tarder à sortir, qui est plus French Touch. Ouais, en fait c'est ça. Le premier EP c'était un peu un étalage de ce qui était un peu capable de faire Yuma Guma, avec des sons un peu justement un peu chauds, un peu avec des sonorités qui vont jusqu'à des trucs assez même brésiliens, voire bossa nova. Et le deuxième EP c'est plus une forme de transition avec la période qui, eux, les a le plus marqués, les a aussi un peu permis de basculer dans ce côté un peu électronique. C'est, voilà, c'est un peu de la, il y a des sonorités French Touch, mais il y a toujours un peu l'ADN entre le live d'un groupe de rock et le côté producteur un peu, voilà, du fond des studios et tout. Et c'est, voilà, c'est, pour moi, c'est, ça me, je trouve que ça correspond très bien à leur texture, voilà, à l'image que leur musique renvoie. Le prochain EP. Lucas, sachant que tous les trois, ça fait 3 ans maintenant, enfin, ça fait depuis que vous avez 14 ans que vous jouez ensemble. Est-ce qu'il y a des incontournables dans vos classiques que vous réutilisez pour vos compositions? Ouais, je pense très largement. Enfin, on apprend la musique quand on fait du rock avec en écoutant donc nos idoles, et puis avec YouTube, on peut très facilement apprendre en fait des plans de base qui en fait sont très facilement j'allais dire distillables dans plein de sortes de musique. Et donc je pense à Jimi Hendrix, mais je pense à enfin plein de trucs de funk, et c'est quelque chose en fait, on se rend compte que on retourne toujours aux incontournables, à l'essentiel. Et puis même quand on pose au Daft Punk, en fait, la plupart de leurs titres, leurs mélodies sont des trucs qui sont déjà existantes dans la musique classique. Donc je pense qu'on est obligé de retourner, aux sources. Aux sources, c'est quelque chose d'évident. Ouais. Et est-ce que les sources, Joe, seraient pas le rock des années 70, parce qu'il y a des sonorités dans quelques-uns de vos morceaux qui font penser à cet imaginaire musical là? Si, bien sûr. Mais après, on a tous nos influences différentes. Bugno, c'est plutôt rock garage, ce délire. Lucas s'est tiré sur aussi le rock psyché, Black Sabbath, French Touch, choses comme ça. Et moi, plus tiré sur la techno et la musique électronique. Et après, ça fait un mélange de tout ça, justement, en studio. Et on se marre bien, quoi, à créer des trucs. Enfin, on est plutôt des créatifs, on aime bien créer. Et c'est toujours difficile de mettre ça à plat pour sortir des sons. Et, parce que t'as une palette de sons tellement immense au bout d'un moment, à force de travailler, que tu sais pas forcément comment bien les ranger pour présenter ce que t'as fait. Et là, je pense que dans le deuxième EP, on est bien arrivé à ça. Guillaume, 2 ans, 2 EP et un Mexico tour. Ah, c'était une sacrée expérience. C'était un peu sortir du confort de Paris. Parce qu'à Paris, on a des contacts. Enfin voilà, on s'est fait tout un réseau. Des facilités avec les salles, voilà, exactement. Etc. Même avec le public, généralement. Mais c'est vrai qu'au Mexique, on arrive avec des gens qu'on connaissait un petit peu aussi. Et comment s'est créé le contact avec les salles mexicaines dans lesquelles vous avez joué? Ah bah, ça a été aussi un peu de réputation. Et derrière, un petit peu de contact aussi qu'on avait forgé à Paris, dans des festivals, des rencontres. Et là-bas, on s'est retrouvé devant des gens vraiment qu'on connaissait pas, qui nous connaissaient pas, qui ont écouté un tout petit peu ce qu'on faisait. Et il y a vraiment une connexion qui est limite un petit peu. Il y a surtout plus... pas mal de collectifs qui nous ont accompagnés là-bas, qui nous, ouais, aussi, nous ont permis qui de tourner. Ont rodé un peu. Voilà, c'est ça. Et on était déjà parti il y a 2 ans avec Lucas au Mexique pour rôder un peu les trucs, et on a fait quelques dates, on a eu de la chance. Il faut dire qu'en fait, le développement d'une scène électronique au Mexique qui est assez extraordinaire. Mais justement, j'avais posé la question, comment cette musique électronique française là, de la French Touch un peu, elle a été reçue, notamment à Mexico ou dans des endroits un petit peu plus perdus que la capitale? Non seulement ça a été super bien reçu, et on s'est retrouvé face à des gens qui étaient vachement ouverts à ce style de musique. Et au-delà de ça, par que ce soit les amis qu'on a là-bas ou même par curiosité, on s'est intéressé un peu à ce qui se faisait là-bas. On connaissait et on a découvert en fait des gens qui faisaient de la musique électronique de très très haut niveau, que ce soit des... s'apparentait à de la musique occidentale ou qui avait vraiment une couleur particulière. Qui avait cette couleur un peu particulière, mais qui est, on va dire, quelque chose qui est assez inhérent à pas mal de styles de musique électronique sud-américaine, donc Amérique centrale et Amérique du Sud. Mais au-delà de ça, on parlait de nos amis qui nous ont accueillis royalement là-bas. C'est des collectifs, des labels qui sont organisés, qui ont rien à envier à ce qui se fait en France. Et voilà. Et en plus de ça, le Mexique, c'est un pays qui est immense, qui est super beau et qui a plein de diversité, qui franchement gagne à se faire découvrir. Est-ce que le public est très très différent aussi? Pas tellement. C'est des Latins. Ils aiment boire, fumer des cigarettes, fumer des clopes, ouais. Manger, sortir tard. On se retrouve vachement avec des publics comme ça, je pense. Mais Yuma Gouma n'a pas encore eu l'occasion d'aller, par exemple, dans des pays de l'Est ou des pays germaniques, mais en tout cas, les Mexicains, on sait que c'est des, voilà, c'est des gens, il y a ce côté latin avec lequel il y a de quoi être super proche. C'est pas du tout aseptisé, quoi. Mexico, c'est encore assez, enfin, on va dire libre. Oui, mais c'est ce que Jo disait, c'est un cadre qui est assez particulier. Bah, pareil. Hein. Tu disais ? Il y a pas mal de teufs qui sont organisés dans la nature et du coup, forcément, ça change complètement le contexte quand tu vis en France. Et puis, c'est pas les mêmes horaires non plus. Donc, vous avez l'occasion de jouer dans ce genre de contexte ? Ouais. Au bord de la plage et tout. Vraiment, tu ramènes des enceintes, un groupe électrogène ou même tu te branches sur un truc d'un hôtel et ils acceptent et ça devient la fête. Après, c'est souvent dans des contrées un peu dangereuses, donc il n'y a pas trop de touristes. Mais après, comme on était avec les locaux et qu'on connaît bien les collectifs qui nous ont emmenés là-bas, bah on les suivait un peu comme des peut-être comme des cons, mais au final. Alors le contraste avec un lieu comme ici à l'Hôtel Dieu par rapport à la plage, ça vous fait quel effet? C'est différent, mais chaque truc est bien à chaque fois. Ce qui est cool, c'est surtout de se retrouver à jouer avec des gens, et d'installer une ambiance et de faire la fête ensemble. Rester professionnel à chaque fois, voilà, tout simplement. Faire son boulot, je sais pas. Non, même en maillot de bain. Bah ouais, c'est ça. Ah, il faut. Et là, Guillaume, c'est votre premier concert, en territoire toulousain. Ah, clairement. Ouais. On a vu un peu un de enfant de l'Occitan. Là, ouais, toulousain, c'est le premier. Mais c'est l'avantage de la musique aussi, c'est de pouvoir un peu voyager un peu partout. J'étais la première fois, je pense. C'est un peu la même pour nous tous. Guillaume, il a pas mal voyagé. Il était dans un groupe de rock pendant 2-3 ans. Il a bien cheminé l'Europe. C'est comme ça que j'ai voyagé généralement, parce que ça coûte un peu de pognon. Et en musique, c'est un peu plus facile. Et c'est la première fois qu'on vient à Toulouse. Et c'est une opportunité aussi de voir du pays. Et puis. C'est toujours cool. On est tous potes. À chaque fois qu'on se déplace dans un festival ou dans des endroits différents. Vous gardez des contacts avec les gens. On se fait très facilement des amis. Et comme on est déjà assez foufou, ça part, enfin, ouais. On s'amuse beaucoup. Et il y a un Japan Tour qui est prévu. On aimerait bien. Non, Japan Tour, c'est un peu le rêve parce que c'est le Japon est depuis maintenant pas mal de temps hyper à la pointe en termes de musique électronique. On a des amis à Paris qui organisent un festival qui s'appelle Japan Connection qui est dédié aux musiques électroniques japonaises. Ça va du disco à la musique vraiment presque expérimentale. C'est un peu le rêve parce que c'est face à des gens. Yuma Gouma, il y a quelque chose d'assez inhérent parmi tous ces trois gars, c'est qu'il y a une passion du matos. C'est ouais, une l'aspect très technique. Ah bah technique et puis au-delà de ça, c'est le matos. C'est des mecs. Ils regardent. Moi, je suis beaucoup moins là-dedans qu'eux et ils regardent une vidéo. Des bricoleurs, quoi. Ah ouais, c'est à ce niveau-là et les Japonais sont réputés pour être comme ça. Enfin, c'est des voilà. Non, mais il y a aussi une sorte de. Enfin, je sais que c'est un peu aussi pas un objectif, mais un rêve parce que voilà. Je pense qu'ils se perdraient autant de temps à aller dans des magasins voir des claviers, des trucs comme ça qu'à jouer. Enfin, perdre du temps, je sais pas si c'est. Je vais me faire embrouiller après ça. Les artistes s'équipent souvent à Tokyo. Il y a plein de bons magasins pour acheter du gros matos. Les Japonais sont très méticuleux, donc tu récupères du matos de super qualité là-bas. Et Yuma Gouma, le nom de votre groupe, c'est pas en référence à ça, justement ? Bah, il y a une sonorité, mais la base, c'est un album des Pink Floyd qui s'appelle donc Yuma Gouma. Qu'on a un peu réorthographié. D'accord, à la japonaise. Ouais, il y a un peu ce côté-là, c'est vrai que le Japon, il y a un côté assez... Ou la mexicaine d'ailleurs. Ouais, oui, ou la mexicaine voilà. Aussi. En tout cas, un côté très international. Votre dernier EP, il va sortir quand ? Il est en cours là ? Ouais, il est en cours, on est en studio, on est en mixage, il doit sortir en juin, juste avant l'été. Et on pourra l'écouter sur Bandcamp, Spotify, YouTube. Sur Radio Campus, ouais, voilà, c'est ça. Normalement, on a toutes les plateformes maintenant. Bon, ben, on attend d'ici quelques semaines, quelques mois, du coup, le prochain EP. Voilà, exactement. Ben, merci beaucoup, les Yuma Gouma, d'avoir été sur le plateau de Rien à voir, quoique, avec Radio Campus. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et bon concert, on vous écoute donc ce soir dans le cadre du Wild Festival et on vous retrouve aussi demain et dimanche au port de l'Embouchure en off. Merci Yuma Gouma. Merci Lisa, on va justement écouter un de vos sons, Yuma Gouma, il s'appelle Level Up. avoir quoique sur Campus FM au cœur du Wine Festival à l'hôtel du Saint-Jacques. On vient d'écouter Level Up par Yuma Guma. Mieux vaut penser à rien qu'une pas pensée du tout. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Rien c'est déjà beaucoup. On va parler École des Beaux-Arts avec les étudiants des Beaux-Arts, avec ton invité, Hugo, il s'appelle Nikita Suo. Je te laisse la parole. Alors justement, on reçoit sur le plateau Nikita Suo qui a coordonné l'installation de 12 artistes des Beaux-Arts de Toulouse, ici au White Festival à l'Hôtel Dieu. Et justement, notre plateau radio en ce vendredi soir, donc lancement du festival, est justement à l'endroit où la plupart des installations des artistes ont été mises en place. Et donc nous sommes avec Nikita Suo, pardon. Bonsoir. Juste Nikita. Bonsoir. Nikita. Mais des étudiants de Beaux-Arts et pas que. Et pas que. Que du coup on se retrouve avec Thomas Garnier qui a été lauréat justement du prix d'art numérique. Qui est pas là vidéo, ce soir. Qui n'a pas pu venir en effet parce qu'il est à Lyon au Mirage. Du coup mais big up à Thomas Garnier. Et voilà, et aussi le collectif allemand Toy qui fait des Toy Crew. En effet, et qui tag beaucoup et qui sont pas mal reconnus à Berlin et dont on a eu la chance d'avoir un de leurs membres présent ici à Toulouse. Ils font de la vidéo. Oui, vidéo et aussi performance. Mais bon, ça c'est plus tard dans la soirée, c'est ça qui sera marrant. Alors, avant de présenter un petit peu le travail des différents artistes que t'as un petit peu programmé ici ce soir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail précisément justement dans ce genre d'événement, parce que ta présence ici elle est pas anodine. Tu nous en parlais tout à l'heure un petit peu hors plateau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est fait la rencontre entre le Wild Festival et toi, donc qui est actuellement étudiant au Beaux-Arts? Wild c'est une entité à part et du coup chaque entité en part qui fait de la programmation musicale, tout ce qu'elle veut, c'est aussi d'enrichir son événement. Et l'enrichir via quoi? Via une exposition, via des jeux de lumière, des plein de choses comme ça. Et du coup, ils ont lancé un appel à projet, comme n'importe quelle association, je pense, dans la vie un peu culturelle à Toulouse, pour dire on cherche des artistes. Et du coup, forcément, quand on est rentré en contact, enfin, j'ai vu cet appel à projet, moi je les ai contactés, pas en tant qu'artiste, mais en tant que plus commissaire d'exposition. Et juste en leur proposant que vous me déléguez toute cette partie-là, tout ce qui concerne les expositions, etc. Donc, en fait, nous, on vient juste... C'est ce qu'expliquait Léo en début d'émission. Du coup, voilà, ça s'est fait très rapidement. Et surtout, c'est une grosse confiance qui nous ont faite, en fait, vraiment. Ils t'ont donné carte blanche, en fait. C'est ça. Après, il n'y a pas eu d'échange. T'as pas eu à leur soumettre les artistes auxquels tu pensais pour... Si, bien sûr. Bien sûr, mais ils n'ont pas eu à donner leur avis plus que ça. Non. Jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que aujourd'hui, apparemment, j'ai eu pas mal de retours, mais quand on a déchargé le camion avec une tonne de cagettes, avec des trucs complètement pétés, qui n'avaient vraiment ni queue ni tête, enfin, vous voyez l'exposition, là, c'est bien ordonné justement, et c'est bien monté, mais le matériel, la matière qui arrive, elle est pas formée encore. Et quand ils ont vu ça en bas, ils se sont dit, oula. Enfin, clairement, ça va avoir pas de gueule, mais là, bon, ça va, je suis assez content. Justement, ça crée un espèce de contraste hallucinant entre, parce que bon, quand même, pour décrire à nos auditeurs qui voient pas et qui ne connaissent peut-être pas l'Hôtel Dieu, ce sont des poutres apparentes de plusieurs tonnes, très bien taillées, des murs en briques magnifiques à la toulousaine et des tableaux d'une austérité incroyable, avec des portraits très sombres, voilà, très formels. Et à côté de ça, donc, les œuvres de tous ces artistes qui scintillent, qui sont faites parfois de briques de broc. Peut-être qu'on reviendra un petit peu sur les installations des étudiants. Ah, j'aimerais bien. Alors déjà, il y a ce contraste qui donne beaucoup d'intérêt à ces œuvres. Et comme tu disais tout à l'heure, donc c'est des étudiants des Beaux-Arts qui se retrouvent à exposer à côté d'artistes déjà reconnus. Tu parlais tout à l'heure de Thomas Garnier. Alors peut-être qu'on peut faire un petit petite présentation de son œuvre justement qui vient de remporter en effet un prix spécial concernant les arts numériques de la part de l'ADA AGP, qui est l'équivalent de la SACEM pour les artistes plastiques et visuels. Donc c'est, alors là nous on n'a pas vu encore son installation. Oui, c'est une vidéo. D'accord. Qui s'intitule Shanzai. Justement ils travaillent beaucoup sur l'architecture. Ce qu'ils ont fait à Shanghai, ils ont repliqué Petit Paris, enfin ils ont fait un Petit Paris, et du coup il y a la Tour Eiffel mais en miniature, Notre-Dame de Paris en miniature, l'Arc de Triomphe, etc. Et il est allé là-dedans il avait de la matière, c'est-à-dire qu'on a dupliqué une architecture qui se trouvait ailleurs, et lui ce qu'il a fait, il a dupliqué les gens. Et du coup la vidéo qui est très propre et très bien maîtrisée, parce qu'il y a 6 écrans cumulés, ça montre bien en fait tout cet impact là et tout ce mouvement à travers cette architecture qui se multiplie. Bon bah autant multiplier les personnes. Mais en fait je vais pas m'engager à expliquer une œuvre d'un artiste, moi je l'ai sélectionné parce que ça fait l'unité dans mon sens. Mais après, c'est à lui de parler. Et j'espère qu'un jour, on pourra l'interviewer aussi. Ah bah il est pas là ce soir. Là. Alors moi, je pensais que c'était ses notaves qui seraient exposées, mais non. Donc et non, il est à Lyon au Mirage. Ah d'accord. Donc pour ça. Donc il est exposé à deux endroits en même temps. Et oui. Et ça c'est l'art numérique, l'art vidéo, c'est pratique. Alors maintenant, peut-être que tu peux nous présenter les artistes que tu as fait venir des Beaux-Arts. Alors en plus, pour le coup, on reste sur notre ADN à Campus FM, qui est une radio à la base étudiante et défricheuse de talent. Les Beaux-Arts c'est idéal pour nous. Alors il y a énormément d'artistes qui sont là. Est-ce que tu peux nous présenter, c'est impossible pour toi de choisir ta préférée, on va pas te demander ça, mais bon, au moins celles qui sont les plus proches de nous. Là il y en a donc, il y a celle de Garnier, mais il y a donc une juste ici faite Éléonore Verger. C'est donc une installation d'Éléonore Verger. Oui. Éléonore Verger qui a aussi mis un énorme tableau à l'entrée avec des couleurs très psychédéliques et avec un petit jeu de mots. Et Éléonore Verger qui a un travail très très sensible en fait. Et c'est vrai que ça paraît juste une installation, mais ce qui fait de briques et de brocs, mais c'est le comment ça s'est fait, enfin qu'est-ce qu'il y a tout derrière. Elle est allée dans la forêt récupérer des branches avec des amis, puis ils se sont dit viens on va faire un cabane. Et en fait c'est quelqu'un qui est très si vous avez pas le moral, vous savez que vous pouvez aller voir Éléonore Verger, elle vous préparera du guacamole et ça sera super bien, enfin vraiment. Et du coup c'est plus le ressenti qu'il y a derrière. Il y a la technique ici, c'est ça qui est assez particulier dans ce genre de lieu, c'est que ce n'est pas une salle blanche. Du coup il y a beaucoup plus de contraintes et il y a beaucoup plus à analyser l'espace en fait, pour juste faire raisonner, en fait, de créer un dialogue et pas juste de présenter une œuvre séparée de toute pièce. Pourquoi à côté de la restauration on a mis cette espèce de cabane? T'es là chez toi et puis c'est un peu plus loin de la musique, etc. Enfin bref, moi ça c'est des pensées plus d'espace quoi. Mais voilà, il y a le travail d'Éléonore Verger. Toutes les œuvres ont été créées pour ce lieu, pour ce festival. En partie, il y a eu justement donc Jolane Nestor qui a fait ou Jolane Garcia Lecointe, mais bon on va plutôt l'appeler Jolane Nestor, qui a fabriqué justement avec ses pans d'exposition qui nous a été chaleureusement proposé par l'Hôtel Dieu Saint-Jacques. Et le pan d'exposition pour nous c'est vraiment le problème qui se pose en fait, c'est d'accrocher du bois. Pour les auditeurs, ouais. Le pan de, oui. le pan les grilles d'exposition. Les grilles d'exposition, hein, c'est des espèces de grilles blanches qui servent à quadriller, à accrocher les œuvres dans des expositions éphémères, dans des lieux comme celui-ci. Donc ça a été prévu par la mairie, ouais, et ça a été détourné par les artistes, ouais. Et c'est devenu une espèce d'installation visuelle. Ouais, c'est un socle, parce qu'on voit un tas de grilles d'exposition en fait qui sont juste empilées et avec des tendeurs. En fait, ça crée vraiment une espèce de brouhaha, mais voilà, quand on s'éloigne un tout petit peu face à cette approche brouhartesque, je sais pas si ça existe, mais il y a quelque chose de très ordonné derrière, qui est le mur en brique et surtout le tableau. Et il y a un tendeur qui sépare la ligne et il faut bien se mettre sur le bon point pour pouvoir le visualiser. Tout le travail justement de vision, je pense que c'est plus pour le spectateur à découvrir. Quoi. Alors, petite précision, on est vendredi soir quand on enregistre cette émission. Quand nos auditeurs nous écoutent, nous sommes le samedi, là, il est maintenant 13h30, hein, 13h40 même. Est-ce que les installations qu'on voit maintenant vont être là durant toute la durée du festival ou est-ce que ça va tourner? Durant les 3 jours, oui. Pendant les 3 jours? Oui. D'accord. c'est tout, les, tous les artistes sont exposés d'un coup. Oui. Alors, il y a quelque chose d'autre qui nous a surpris, et d'ailleurs, comme nous, on n'est pas forcément des habitués de l'Hôtel Dieu, quand on arrive à l'entrée du festival, il y a des espèces de pierres exposées. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette installation ? Alors, c'est une installation de Zoé Ledouffle, et pareil, je vais pas expliquer son travail parce que j'en parlerai pas bien. Mais par contre, l'effet attendu, c'était on rentre dans une salle qui était complètement vide. En effet, il va y avoir un bar avec un truc, enfin très conventionnel. Et il fallait créer de l'aspérité parce que la contrainte avec cet espace, c'était l'accrochage. On peut pas accrocher ni au mur ni aux colonnes. Bon, on s'est faufilé, hein, mais pour essayer d'accrocher et de suspendre des choses. Et dans cet espace-là, qui n'a aucune aspérité presque, alors qu'au plafond il y en a énormément, le but c'était de, bon, on renverse un peu et on, c'est des gros blocs en fait de pierres qui sont très, ouais, c'est des fosses, hein, mais non, mais au cas où, on s'est demandé. Non, mais c'est pour ça, ça ne se voit pas, mais parce que le travail de l'artiste est très très très très très bien fait. Donc et au sol, c'est du bois dans cette salle, je me souviens non, pas. Non, c'est du carrelage. C'est comme ici, d'accord. C'est du gros carrelage bien cadré qui a déjà en fait une intention derrière. Ça a un motif. Du coup, rajouter du motif, c'est pour ça que dans cette salle-là, la salle des pèlerins, on a cherché vraiment des choses sur la texture, parce que du coup, il y a le travail de Baptiste Perrotin et d'Apolline Laforêt aussi, qui sont dans cette salle-là. C'est les trois salles qui unissent un monde un peu plus minéral. De sculpture. C'est ça. Et qui sont très muséales forcément, mais qui marchent très très bien dans ce genre de lieu en fait, parce qu'ils ramènent un truc de plus brut et beaucoup plus simpliste face à tout ce truc, à cette pièce qui était chargée en fait d'informations, que ce soit le quadrillage par terre, tous les tableaux, etc. Ce qui est à peu près le cas aussi, mais dans la salle des colonnes, mais c'est un peu différent. Voilà. Alors, on peut présenter rapidement hein, tous les artistes qui seront là. Mike Alidon. Ah ouais, alors il y a des installations vidéo, des installations vidéo, installations, beaucoup de sculptures. Oui. Donc Architools. Ouais, lui il a fait du mobilier mais sans importance. C'est un mec qui est complètement barjo, laissez tomber. D'accord, on parlera pas. Mike Alindon, Lidon, Vincent pardon. Vincent Kremer aussi, il a fait du mobilier design. Aussi, on laisse tomber aussi. Non, Vincent Kremer, non. Alors non, pourquoi je dis Architools, c'est juste que c'est un voilà un acronyme en face. C'est il fallait pas dire qui c'était, mais bon bref, et il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Non, Vincent Kremer, du coup, lui c'est pareil, étudiant à l'ISDAT et option design, et du coup il a proposé toute une série de mobilier justement transformables, etc. Avec des c'est des prototypes, mais des prototypes qui fonctionnent, ce sont du mobilier modulable et fait avec des ceintures, de sécurité. De sécurité, ouais. Et ça, c'est vraiment à essayer parce que chaque pièce est complètement, autonome et pourtant ça crée juste une esthétique, mais très très unie. Pourquoi ? Parce que ça, c'est du choix des matériaux. Mais par contre, le concept, il a été poussé jusqu'au bout et j'espère qu'il continuera son travail. C'est le chill idéal hein, pour ce genre de soirée. En ouais. Plus. Mais maintenant, on va parler de toi parce que toi, t'es aussi étudiant en beaux-arts, t'es aussi artiste, oui. Mais ici ce soir tu n'as fait que coordonner et donner la place à tes collègues en fait. Entre guillemets, oui, parce que ce rôle-là, il a été, c'est assez dur de transmettre dans une école d'art qui te pousse à une production, vu que c'est pas la formation, qu'on a à l'ISDAT, bon, de dire que, moi, ma production, c'est de, en effet, c'est comme n'importe quel artiste, c'est d'assembler de la matière, mais dans un espace avec les mêmes contraintes, enfin, et ça m'impose des contraintes, donc du coup, c'est plus de la web, de montrer et puis et d'organiser en fait, c'est ça que j'aime bien. Mais la production, Architools il a produit, j'ai produit, donc ça va. Mais lui il a fait du mobilier, donc c'est pas de la production, c'est juste dépanner un truc. La création elle se trouve je pense dans l'idée de quelqu'un. T'as une idée à faire et tu vas jamais être poussé à la réaliser, à moins qu'il y a quelqu'un qui te dit ok, hey, je suis là, je t'aide et il te faut ça, ok, enfin on va gérer. Non. C'est juste de la motivation qu'il faut à quelqu'un, un espèce de coup d'épée, quelqu'un sur lequel s'appuyer vraiment. Et mais place pas toujours facile à prendre aux côtés d'artistes, quand on est parfois au contact des égos de certains, enfin ça demande quand même beaucoup de... Je sais pas comment ça fonctionne dans la musique, mais dans l'art ça fonctionne super bien. À Toulouse, oui. Oui, à Toulouse, non, ça fonctionne très très bien. Tout le monde était cohérent, en fait, dans leur, dans les attentes, enfin... je me bats juste pour un seul truc, c'est que l'art soit vraiment reconnu. L'art contemporain n'est pas suffisamment reconnu, surtout à Toulouse, ça peine. Il y a des expositions et ce genre d'endroit, par exemple. Il y a le printemps de septembre qui a fait de très belles choses, ça il faut pas l'oublier. Mais je veux dire permettre et d'avoir une chance à un étudiant d'exposer. Déjà, même si c'est un projet de diplôme ou un travail qui a été fait là tout récemment, juste de le montrer à quelqu'un, parce que nous on se retrouve en tant qu'étudiant souvent dans des accrochages où on se retourne et il y a des copains, il y a des profs et c'est tout, il n'y a jamais un nouveau public. Donc c'est pour ça que ça a été très intéressant ce partenariat avec Wild. Pourquoi ? Parce que juste eux ils ont leur chose à faire, nous aussi on profite et on partage un même public. Mais Nikita, qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas vers l'art contemporain, enfin tel que vous le dites, à votre avis? Je pense par rapport au, j'ai plein de théories à ce sujet. Je pense que si on peut passer un peu plus de temps sur la question, et ça serait vraiment avec plaisir, mais je vais essayer de tenter de résumer parce que c'est sur plusieurs points, quoi. Mais en tout cas, il y a une distance que ça met face à cette salle blanche, parce que il faut aller voir un salon, une exposition d'art contemporain avec un certain état d'esprit. Nous, avec ici, là, les gens ne s'attendent pas, enfin, ça a été communiqué, mais ne s'attendent pas à ça. Donc, du coup, le but, c'est juste de profiter d'un état qui est différent pour un peu communiquer sur l'art. Voilà de quoi ils sont capables. Et sans pour autant rentrer dans la case de scénographe. Non, c'est une exposition d'art. C'est pas... Oui, c'est pas de la scénographie, non, c'est pas ça. De la déco, c'est non. Vraiment voilà. Et là, on est pour l'instant sur Toulouse, on est les seuls à faire ça avec l'association Fusy justement. Mais c'est dur à faire comprendre aux gens que l'art qu'on soutient là, par exemple le collectif Toy, c'est fascinant parce qu'ils occupent l'espace public. Et du coup, comment faire venir des actions qui sont réalisées dans l'espace public, qui sont destinées justement à un public très large, à être vues par on sait quand il y a quelque chose dans la rue qui se passe et qui est comme un tag ou le faire venir dans cet endroit-là, c'est une forme de allez, on te soutient en effet quoi. Enfin, et c'est pas de leur faire venir dans la galerie parce qu'ils ont beaucoup de problèmes aussi les artistes face à ça, face au marché de l'art, face aux galeries, face aux... Il y a une distance, en tout cas chez les étudiants, ça c'est clair et net. Et à cause de cette distance, on a peur de s'engager sur quelque chose. Et du coup, proposer un nouveau format d'exposition, ça les rassure aussi un petit peu. Alors là, les gens peuvent venir découvrir les 12 artistes des Beaux-Arts ici, donc au Wild Festival. Donc ce soir, samedi soir et demain soir. Dimanche, c'est trop tard pour vous. Si vous n'avez pas réservé vos places, c'est trop tard, c'est complet. C'est complet. Mais samedi soir, il reste encore des places si vous voulez venir découvrir leur travail. Et sinon, justement, pour découvrir le travail des jeunes qui sortent des écoles toulousaines, est-ce qu'il y a des futurs rendez-vous, justement, des projets d'exposition? Est-ce qu'il y a déjà des choses ou des rendez-vous à prendre? On va en parler. Ah, pas tout de suite. Bon, on n'en parle pas alors. Non, c'est vu que les concepts sont assez, les idées sont assez dures à avoir, dans le sens où proposer quelque chose de nouveau, sans forcément de proposer quelque chose de nouveau, mais nouveau et fiable et surtout, qui crée une espèce de cohésion entre tous les acteurs, c'est très dur. Et du coup, une fois qu'on a l'idée, il faut pousser à bout. Et là, elle est en train de se pousser à bout. Donc, du coup, tant que ça n'y est pas, je préfère ne pas avancer, mais oui, c'est prévu à fond. Merci beaucoup, Nikita, d'avoir été avec nous sur notre plateau, d'avoir présenté un peu ton travail qui est un peu un tiers du festival. Mais j'aimerais bien finir aussi juste à présenter les artistes aussi, vite fait. Allison, oui, on n'a pas présenté tous les artistes. Dimitri Ilko, de la vidéo et de la performance et l'installation. Jolan Nestor, du coup, Vincent Kremer, Éléonore Verger, Thomas Garnier, Mike Alidon, Baptiste Perrotin, Zoé Ledoux et Apolline Laforêt. Voilà. Les artistes qui sortent donc des Beaux-Arts de Toulouse. Merci beaucoup, Nikita. Merci Nikita, merci Hugo. On va écouter un morceau de Tom Jay que j'aurais beaucoup aimé interviewer en anglais, mais il n'est pas là ce soir. J'avais pas préparé la traduction en direct. Thank you so much, Hugo Daniel. Ça n'aura pas lieu. Et donc il viendra un petit peu plus tard. On aura fini l'émission. Le morceau s'appelle La Belle in French. We'll be right back. C'était La Belle par Tom Jay au Wild Festival. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Ils sont un petit peu doux mes jingles pour les festivals électro. Il est maintenant l'heure de clôturer cette émission spéciale Wild Festival à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques. Je rappelle que le Wild Festival, c'est encore samedi et dimanche pour les concerts ici même à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques à partir de 21h et jusqu'à 5h du matin. Il reste peut-être encore des places, je crois, dimanche. Pour le off, rendez-vous samedi, dimanche et lundi de 12h à 19h au port de l'Embouchure, au Pont Jumeau. C'est en plein air et c'est gratuit. Et n'oubliez pas, je cite cette phrase de Mehdi qui a fait le graphisme du festival. Le Wild Festival, comme tout autre lieu d'expression, est un espace de liberté pour chacun. Les gens dansent comme ils l'entendent, s'habillent à leur convenance et fréquentent qui ils souhaitent. Encore un grand merci à tous nos invités et en particulier Léo Le Serre de Well Records qui nous a invités à organiser ce plateau ce soir. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Lisa. Merci Anna. Qui danse. Oui, je danse. Sur le jingle de fin. Merci Hugo qui est parti encore discuter avec Nikita sur les expositions. Avec Jean, merci François à la réalisation technique de l'émission. Merci Marie-Lise qui est venue exprès faire quelques photos pour nos réseaux sociaux. Et merci Thomas qui va mettre l'émission en ligne demain à midi. Je tiens également à remercier tout particulièrement ce soir Cédric Olivier Turin qui quitte ses fonctions de coprésident de Campus FM ce soir même. Et Hugo Dagneau qui les a quittés aussi il y a quelques semaines. Un immense merci à vous. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission et toutes nos émissions sur la plateforme et partage et d'écoute Mixcloud. Restez à l'écoute de Campus FM. Un beso.